Eric Ouimana et Alphonse Koubimana assurent la mise en onde et bienvenue à, ce journal de la mi-journée de ce samedi 19 janvier 2019. Donc voici tout d'abord les principaux titres. Le parti APDR s'inscrit en faux contre la décision de l'administrateur communal et de la commune de Nyanzarak en province Makamba. Nous sommes au sud du pays qui exige les partis politiques et églises de construire leur propre maison. Vous entendrez Gabriel Wanda-Witonde, président de ce parti. Et le ministère de la Santé annonce avoir interdit toute publicité dans les médias de produits thérapeutiques ou produits comestibles sans autorisation du ministère de la Santé publique. Vous entendrez également le porte-parole de ce ministère, Réa Muyinga. Ce sont plus de 2 millions de plantes de caféiers qui ont été plantées en l'espace d'une année en cette province. Et à la fin de cette édition, vous aurez droit à la revue de la presse. Voilà pour les grands titres. Bonjour, santé pour débuter ce journal. Le ministère de la Santé publique a sorti une note ce jeudi dans laquelle il appelle les responsables des médias et les industriels de produits thérapeutiques aux dimensions à ne pas accepter les publicités de ces produits comestibles sans autorisation du ministère ayant la santé dans ses attributions. Jean Bosco Girukwishak, porte-parole de ce ministère, informe que cette mesure a été prise dans l'optique de protéger la population. Il dément les déclarations selon lesquelles ces produits constituent des médicaments suivis. Il n'est pas aussi question d'interdire donc la commercialisation de ces produits, puisque tous ces produits ne sont pas néfastes pour la santé publique. On a voulu prendre des mesures qui visent à protéger la population, puisque ces derniers temps, on a constaté qu'il y a des publicités à caractère thérapeutique, où on invite la population à acheter tel produit alimentaire en indiquant à la population donc les aspects thérapeutiques de ce produit, alors que c'est le ministère de la Santé publique, de la lutte contre le sida, donc, qui a la latitude de pouvoir statuer si tel produit ou tel autre a des effets thérapeutiques ou est bénéfique pour le fonctionnement de l'organisme. On a donc voulu protéger la population soja, doja qui font la promotion de ces produits alimentaires ou des médicaments sans qu'il y ait une autorisation du ministère et à la santé publique dans ses attributions. Docteur Jean Bosco Girukwishaka, il est porte-parole du ministère de la Santé. On s'excuse sur ces imperfections observées lors du montage. Économie à présent. L'agence de promotion d'investissement se réjouit de ses réalisations pour l'année 2018 par rapport à la création des entreprises. 3430 entreprises ont en effet été immatriculées au guichet unique de création de sociétés contre 2289 et en 2017. Affirmation de Léonard Senhore, directeur de la PI, c'était ce vendredi lors de la présentation des réalisations devant les journalistes. Les emplois projetés s'élèvent à un peu plus de 23 900, mais Léonard Senhore se réserve quant au suivi de ces entreprises pour voir si effectivement ces emplois ont été créés. Suivez-le. La comparaison avec l'année 2017 montre une hausse des sociétés créées, ainsi qu'une augmentation des emplois projetés. En 2018, tous les types de sociétés ont connu une hausse, une croissance élevée, mais le fort taux de croissance, presque de 50%, est expliqué surtout par l'immatriculation de nombreuses coopératives et des succursales. Et vous noterez que 420 coopératives créées, dont 420 coopératives créées en 2017 à 865. En 2018, soit un taux de croissance de 5,95%. Et de même, de 6 succursales en 2017 à 15 succursales en 2018, soit un taux de croissance de 150%. Est-ce qu'on fait le suivi des entreprises créées sur les chiffres, les entreprises créent des emplois. Oui, nous faisons un suivi. Mais comme je l'ai toujours dit, on n'a pas les moyens pour suivre toutes les entreprises. Nous avons essayé dans le passé de faire des enquêtes et nous comptons le faire également et dans l'avenir pour voir effectivement quelles sont les entreprises qui ont pu réellement fonctionner, parce que c'est pas toutes les entreprises qui sont créées qui continuent à fonctionner. Il y a certaines qui fonctionnent pendant une année et qui meurent, d'autres qui sont créées, d'autres qui meurent. Et donc nous allons mener une enquête, mais pour le moment nous concentrons essentiellement sur les entreprises qui ont bénéficié des avantages du code des investissements. Pour cela, nous avons des chiffres précis. Mais pour les autres, nous allons mener des enquêtes qui nous donneront certainement une tendance. Parlons sécurité à présent, les responsables de l'administration en province Mwaro se réjouissent du pas franchi dans la lutte contre les boissons prohibées. La collaboration entre l'administration et la police dans cette action explique cette situation. Le gouverneur de cette province, Jean-Marie Nyakaregua, recommande le renforcement des comités mixtes de sécurité pour préserver l'ordre et traquer les réticents dans la fabrication et la consommation de telles boissons. Laurent Dikouli, au correspondant. En commune Kayokwe de cette province de Mwaro, par exemple, l'administrateur communal François Ngundwa dit que la boisson prohibée dite Munanasi a été combattue sur 23 collines au cours de l'année 2018 qui vient de s'écouler. Sur quelques cas de fabricants de cette boisson, se remarque encore sur la colline Gihinga de cette commune, ajoute-t-il. En commune Bissoro, l'administrateur de cette commune, Francine Nivafasha, dit que la boisson prohibée dite Munanasi a été combattue sur les deux collines de cette commune où étaient signalées, à savoir Kirika et Masango. Quant à la commune Gisozi, le responsable de l'administration de la commune, Hilde Ndaiwundi, dit que la boisson dite Munanasi a été combattue au cours de l'année 2018. Sur quelques cas de fabricants et consommateurs de cette boisson sont encore signalés sur deux collines, à savoir Ndava et Buburu. Sur cette dernière, les consommateurs de ces boissons se déplacent vers la colline voisine de Kizi, en commune Lusaka, lorsqu'ils sont recherchés. En commune Lusaka, les responsables de l'administration disent que les fabricants de ces boissons sont souvent attrapés en flagrant délit. Une situation qui se remarque également en commune Ndava, où même une personne a été arrêtée la semaine dernière à Bugera pour fabrication de ces boissons. En commune Nyabihanga, la majorité des fabricants de ces boissons dits Munanasi y ont renoncé. La boisson dite Kanyanga ne se fait plus parler d'elle. Ces responsables de l'administration parlent des fruits d'une collaboration entre l'administration et la police dans cette action. Le gouverneur de cette province de Mwaro dit que le renforcement des comités mixtes de sécurité est d'une grande importance pour éradiquer définitivement ce phénomène. Cela permettra également de réduire les cas de vol dans les ménages, champs et boutiques. Cela ressort d'une réunion de sécurité tenue au chef de cette province au cours de cette semaine où l'évaluation de l'état sécuritaire au cours de l'an 2018 était au centre des échanges. De moi, Laurent Dikouli, Radio Isanganiro. Merci Laurent Dikouli et après une courte pause, on va passer en page politique. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h05, page politique, comme je vous le disais tout à l'heure, le parti APDR conteste la mesure de l'administrateur communal de Nyanzarak en province Makamba, qui exige aux partis politiques et églises de construire leur propre maison. Gabriel Wanza Witonde, président de ce parti, trouve que cette décision est contraire à la démocratie et au multipartisme. Il demande l'intervention du ministère de l'Intérieur pour arrêter la dite mesure. Suivez-le, je commence à lui demander comment il a accueilli cette mesure. Pour le parti APD, c'est une sincérité et aussi c'est étonnant de voir cette mesure. Je dirais que la mesure est très lourde, puisque vous savez qu'au Burundi, avec 32 partis politiques, nous ne sommes pas tous capables de construire les permanences à nos parcelles du sommet jusqu'au niveau local. C'est pourquoi on a mal accueilli cette mesure qui est contraire d'abord au droit de l'homme, puisque celui qui a une maison de louer à qui il veut, et aussi chacun a le droit de louer une maison et de faire exercer ce qu'il veut. Il veut implanter un bureau, une boutique, c'est son droit. Pour dire que aussi c'est très contraire avec la feuille de route signée le 3 août 2018 à Kayanza, là où il y a le gouvernement s'est engagé qu'il va donner l'occasion aux partis politiques de se préparer pour 2020. Donc le gouvernement va faciliter. Alors si on regarde cette mesure, ce n'est pas pour faciliter, mais aussi c'est pour, je dirais, cogner les partis politiques. C'est pourquoi nous disons que nous sommes contre cette mesure. Est-ce que ce n'est pas une décision qui a été prise pour le bien-être de la population communale? Non, ce n'est pas pour le bien-être de la population. puisque la population a besoin de louer les maisons. Imaginez si on a déjà commencé à fermer les maisons. C'est triste réalité pour cette population même. Qu'est-ce qui manque pour que les partis politiques au Burundi puissent construire leur propre permanence? Pour les partis politiques, je vous ai dit qu'avec la pauvreté aujourd'hui qui guette la population, avec aussi nos militants, c'est impossible que nos militants achètent des parcelles et construisent les bureaux. Le parti au pouvoir a accueilli les parcelles émanant du gouvernement. C'est simple puisque c'est un parti qui est au pouvoir. C'est pourquoi nous disons que le ministère de l'Intérieur, de la Formation patriotique et du développement local peut intervenir si tôt possible pour arrêter cette mesure. Gabriel Banzawitonde, il est président du parti APDR. Les jeunes affiliés dans différents partis politiques en province Bobanza demandent qu'il y ait beaucoup de réunions de sensibilisation afin de bien se préparer aux élections de 2020, mais aussi demandent aux politiciens d'éviter la manipulation et l'instrumentalisation. Ils l'ont dit ce vendredi au cours d'une réunion de sensibilisation qui était organisée par l'Association Solidarité pour la Promotion des Droits Humains, SPDH, en sigle. Toujours parlant des jeunes, 50 jeunes filles et garçons des quartiers de la ville de Ngozi et collines environnantes composées de condamnés relaxés, enfants de la rue, ceux qui ont abandonné l'école et autres suivent depuis un bon bout de temps différentes formations dans la mécanique automobile. Félix Sindai Gaya, représentant de l'ONG belge Kio, qui assure cette formation avec l'appui financier de l'UNICEF, demande à ces jeunes de se regrouper en association pour profiter du kit de démarrage qu'ils vont recevoir à la fin de la formation. Apollinaire Mozaka, la correspondance. Ces jeunes en formation sont composés de 31 garçons et 19 filles, parmi eux des filles mères, des enfants de la rue, ceux ayant échoué le concours de la 9e année donnant accès à l'enseignement post-fondamental et des condamnés qui ont purgé leur peine. Ces jeunes sont formés dans différents métiers, dont la savonnerie, la mécanique automobile, la soudure, couture et menuiserie durant une période de 6 mois, période qui prend fin au cours de ce mois de février proche. En plus des certificats, ces jeunes vulnérables vont aussi recevoir un kit d'accompagnement qui leur permettra de débuter des activités génératrices de revenus, chacun en ce qu'il a eu comme formation. Félix Ndaï Gaya, représentant Kio Angozi, invite ces jeunes à travailler en association pour mieux réussir la vie. Il indique que de tels jeunes en situation de vulnérabilité sont nombreux en Ngozi, vu les effectifs des demandeurs de telles formations. Il invite à cet effet d'autres bienfaiteurs d'agir ainsi afin de tirer ces jeunes du chômage qui les menace. Donc Ngozi, Apollinaire Mozagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Mozagara. Restant en province Ngozi où les prix élevés de l'électricité causent la revue à la hausse et des coûts d'eau potable dans certains centres communaux de la province Ngozi. Le ministre de l'Hydraulique, l'Énergie et Mines l'a dit ce vendredi après une visite qu'il a effectuée sur différentes sources d'eau aménagées se trouvant en province Ngozi. Comme Manila Kiza promet que les différents services de son ministère vont se pencher sur cette question pour que les prix d'eau soient les mêmes au niveau national. Quant à l'administrateur de la commune Gachikanoa, il affirme que ces sources ont une grande importance malgré les coûts élevés. Jean-Marie Vianney Ngenakumana, reportage. Nous sommes sur la colline Rutanga de la commune Gachikanwa en province Ngozi, l'un des endroits où sont érigés les centres d'alimentation d'eau potable visités par le ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines. Janine Françoise Ndairagije, l'administrateur de la commune Gachikanwa, fait savoir que l'addiction d'eau potable a été réalisée dans sa commune au moment opportun. L'importance de cette eau potable, c'est parce que la population vive aisément, même les enfants vivent aisément avec la bonne santé, parce que cette eau, c'est une eau potable qui ne contient pas de microbes. Cette eau, c'est nécessaire dans la vie de la population. Le ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines indique que le projet de la réhabilitation des sources d'eau potable qui fonctionne à l'aide de l'électricité a provoqué la hausse du prix d'eau potable. Nous sommes rendus compte que le paiement au niveau de l'eau dépend de la source d'approvisionnement. S'il s'agit des sources avec des pompes pour pouvoir faire arriver l'eau dans les différents centres, nous sommes rendus compte que le coût de l'eau est tellement cher à la population. Tandis que celle alimentée par de l'eau gravitaire, ça coûte moins cher. On se rend compte même que dans le milieu rural, le coût de l'eau est beaucoup plus cher que ce qui se trouve dans les centres urbains. il y a une répartition qui n'est pas équitable au niveau de la facturation de l'eau. Comme Manirakiza précise qu'il faut prendre le temps avec les intervenants dans le secteur d'eau et l'électricité pour analyser ensemble ce qu'il faut faire pour que le prix d'eau potable soit standard dans tout le pays. Nous allons prendre le temps avec les intervenants dans ce secteur, c'est-à-dire la régie des eaux, la HAMER et le cabinet, pour analyser ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour que le prix de l'eau soit le même au niveau national. Ces centres d'alimentation d'eau potable visités par le ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines ont été construits dans les communes Ngozi, Mwumba, Gashikanwa et la commune Tangara. Merci Jean-Marie Vianingenda Koumana, parlant toujours d'énergie. Le carburant est devenu un casse-tête à Bubanza depuis bientôt deux semaines. Même le mazout qui était disponible s'est épuisé ce jeudi selon les pompistes apparemment désœuvrés. Un litre d'essence au marché noir coûte entre 4 000 et 5 000 francs burundais, ce qui pousse les conducteurs de motos et de véhicules à rehausser le prix du ticket de transport, expliquant que même sur quelques stations de Bujumbura, ils sont contraints de laisser une certaine somme d'argent aux pompistes pour pouvoir bénéficier du carburant. La population déplore les faits et demande que le problème de manque de carburant soit enfin résolu. Pour clore cette édition, parlons agriculture. Pour plus de 2 millions de plants de caféiers ont été plantés en l'espace d'une année en province Muyinga. Les bénéficiaires de plants sont des caféiculteurs qui ont accepté de remplacer les anciens vergers caféicoles dans un programme d'appui du développement du secteur café. Alors que des caféiculteurs affirment n'avoir pas été servis comme demandé, le président de la Fédération des caféiculteurs de Muyinga rassure que le nombre de bénéficiaires du programme augmentera cette année, Dieudonné Nzeyimana. Plus de 2 430 000 plants de café ont été plantés cette année dans différents vergers des collines de la province de Muyinga. Les bénéficiaires de plants sont des cultivateurs ayant accepté de substituer les anciens plants par des nouveaux. Opération qui rentre dans un programme d'appui à la compétitivité du secteur café passé sans sigle. Les caféiculteurs sont non seulement suivis techniquement, mais aussi appuyés en semences d'haricots et bananes, culture associée au café en attendant que de nouveaux plants donnent des rendements. Aline Manuel Barusha, gouverneur de la province Muyinga, affirme qu'avec ce programme, les caféiculteurs ont plutôt renoncé à la mauvaise habitude d'arracher le café, pratique en vogue avec la crise. Les cultivateurs regrettent que par endroit, tous ceux qui veulent planter de nouveaux cafés n'ont pas été servis en plan. Le programme va s'élargir à d'autres cultivateurs l'an prochain, rassure le président de la Fédération des caféiculteurs de la province Muyinga, province qui totalise déjà plus de 28 millions de plants de café. Merci Dieudonné Nzeyimana, 13h15. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Koubguimana pour la mise en onde d'Eli Nibel Nibigirach et à la présentation de cette édition. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, mais tout de suite, c'est la revue de la presse. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour à tous ou bonsoir selon votre zone d'écoute. Ouvrons cette revue de presse par le journal Iwachu avec en une de sa parution de cette semaine cette caricature du Sénared sous le titre L'extrême onction. Cette plateforme politique de l'opposition en exil est présentée comme un malade alité, sous perfusion, qui reçoit sa cure, et pas de n'importe qui, puisque c'est de la part du médecin, Dr Jean Minani, qui dirige cette coalition. L'éditorialiste du journal Iwachu évoque, en page intérieure, la débandade au sein du Sénared. Depuis la semaine dernière, en effet, la coalition de l'opposition en exil subit défection sur défection. Jérémy Minani du parti RDB, Jean-Bosco Naïkengroukiye du Kazé FDD, Frédéric Mvoguignon-Vira du parti Sawanya Frodebou et Chovino Mugwengezo. Notre confrère rappelle que le Sénared nous a habitués de laver les linges sales sur la place publique et que ceux qui font défection actuellement n'ont pas échappé à la règle. C'est dans des tweets et communiqués qui sonnent comme un véritable règlement de compte qu'ils ont décidé de décrocher, fait-il remarquer. Mais à qui la faute ? S'interroge notre confrère Diwa Chou, qui estime qu'il est vrai que la première responsabilité incombe au leadership, ce qui à ses yeux est élémentaire. Mais pour les membres, conclut-il, la solution n'étant pas non plus de claquer la porte, mais de se remettre en cause comme organisation et harmoniser les points de vue. Pour le moment, c'est raté, constate-t-il. Dans son analyse, un blogueur de la communauté Aga avance que les Burundais garderont du Sénared un souvenir d'une organisation minée par l'égocentrisme dont les dirigeants ont été incapables de s'organiser pour leur cause. 2020 avançant à grands pas, le Sénared s'affaiblit et Bujumbura de son côté s'active pour l'élaboration du code électoral. Et son confrère de conclure, les leaders du Sénared qui rentreront pour participer aux élections de 2020 devront se soumettre aux règles du jeu dont ils ont fustigé la mise en place. Revue de la presse. L'Afrique australe, nouvel Eldorado des jeunes Burundais, titre Burundi Echo. Ils sont licenciés, bacheliers ou diplômés des humanités générales. Leur pays natal ne parvient plus à les embaucher. Crevés de chômage, ils prennent le chemin vers le sud du continent. Le Mozambique, le Malawi, la Zambie sont désormais le fief des jeunes Burundais à la quête d'une vie meilleure. Ils font vivre leur famille résidant au Burundi, constate ce journal. Un rapport récent de la Banque mondiale semble confirmer aujourd'hui que les envois ou remises de fonds réalisés par les migrants dans le monde dépassent le niveau de l'aide publique au développement. Celui qui a réussi vient entraîner son frère, son ami ou une connaissance. Et comme on le voit, conclut ce confrère, la mobilité de la main-d'œuvre burundaise vers l'Afrique australe est loin de s'arrêter. Quand la justice se retourne contre les faiseurs de la loi, rapporte Net Press, qui fait allusion ici à trois officiers de la police judiciaire arrêtés dans l'après-midi du dimanche 13 janvier sous le mandat d'arrêt émis par le procureur général de la République. D'après ce quotidien à ligne, ils sont accusés de percevoir des pots de vin et procéder à la libération des trafiquants des stupéfiants connus sous le nom de « Boost ». Aussitôt après leur arrestation, ils ont été incarcérés au cachot de la police judiciaire située au quartier Jabé en zone Bgiza, commune urbaine de Mukaza, et devaient être jugés au courant de cette semaine, écrit Net Press. Net Press, justement, qui trouve que le combat contre la drogue s'avère très difficile, car leurs trafiquants ont de quoi corrompre qui que ce soit, et ce ne sont pas nos OPJ qui résisteraient à une telle offre, écrit Net Press. Le cours de sciences et technologies donne du fil à retordre aux enseignants et aux élèves, constate la voix de l'enseignant. Les enseignants des sciences et technologies au cycle fondamental disent qu'ils éprouvent des difficultés à dispenser cette matière qui combine quatre cours de l'ancien système d'enseignement, à savoir la physique, la chimie, la biologie et la technologie, auxquels s'ajoute la technologie de l'information et de la communication, TIC. D'après cet hebdomadaire de l'éducation, pendant la pratique pédagogique, chacun de ses enseignants insiste sur la matière dans laquelle il a été formé et ne fait que survoler le reste. D'où de nombreux échecs en classe et de mauvais résultats au concours national dans ce cours. Les élèves, quant à eux, se lamentent du contenu de cette matière qui est très volumineuse et difficile à comprendre, écrit la voix de l'enseignant. Ces enseignants proposent que ce cours soit réparti entre plusieurs titulaires, comme le font les écoles privées, écrit toujours la voix de l'enseignant. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. À très bientôt sur nos ondes. Revue de la presse.